quitter la vie, mais y'a pas d'issue. Savoir la mort détaille la frappe à Vinicius. Quand t'as plus rien, personne calcule. Quand t'as du buzz, tout le monde te suce. Même ton ascense, il va trahir et ça c'est sûr. C'est vrai qu'il rappe bien, mais ce qu'il raconte c'est faux comme BFM. Les rappeurs c'est des mythos, quand on parle, faut que tu te la fermes. J'suis marseillais comme Zizou, ma belle fais-moi un bisou. On t'a volé ta patek, c'est le centre-ville zou. Marseille c'est réel, les quartiers nord c'est réel. C'est bisou, c'est réel, les quartiers sud c'est réel. Marseille c'est à la chaud, assassinat dans une ruelle. Tu te feras buter à cause d'une pute ou d'un réel. J'suis un DZ, connu jusqu'à la poli. Marseille c'est à la chaud, on nique toujours la police. La cahier. Eh ouais, Marseille c'est cramé, j'en passe une au Haraga et à mes frères Ouané. On s'entretue pour de la monnaie, plus y'en a plus j'en veux encore. Sicario sort le pistolet, pour du cas on va te niquer tes morts. T'es rentré au Hajj, t'es mis aux isolés, ça va tripler balle ton corps, ça va limoler. Sicario sort le pistolet, pour du cas on va te niquer tes morts. Potion panoramix, précaution et notion, vue panoramique. Responsable de nos dires parce que tu captes à nos rimes. On a déjà tout perdu, toi tu veux caler à nos dreams. Fuck them, tout tout bum. On va crever mais d'abord, faisons tout avant que tout buzz. Dédié à tout bang, la femme avant le t'adore. Marseille tout bang, resserre rien mort à l'bas avant t'adore. Fuck la mi-temps, le corps arbitral, ça fait trembler habitacle et mur de l'habitant. Aucune chance avec les couilles, ça danse avec les coups. Cœur et que mettre dans la merde, ça pense avec les couilles. 1-3 ADN, plus froid que TM. Je suis le centre de la ville, de la 47 à la TN. Aïe, en arme, en or, noir, en neige, en arme, Anna. T'en veux, tu paies. Donc, quand t'es sombre, ça rêve de liberté avec les menottes. Je reste moi-même, je fais que le bien, parce que les anges me notent. Ça retire velote, ça rentre, ça ressort. Héros belote, ta fille ça te lote. Ça veut ton terrain et t'apporte l'enveloppe. En je suis carré, je veux me doubler, c'est pas beau. J'arrive capuché, j'allume la flamme, je me taille en bateau. Loin de moi les bâtards, ceux qui veulent ta part du gâteau. Sans homme ni dans l'ADN, qu'à tête cassée dans le quattro. Longue nuit marseillaise, ça tourne l'estomac creuse. Au mieux le paradis, au pire le bon vent sur la braise. Un peu tout pour la paye, faut que les entremettaises. On sort la Silver Ace, t'es beau pour la bolognaise. Est-ce qu'on vient pour la baise? Tu crois ça, tu trompes. Absolu sous la canicule, pour l'enterrement et plus des trompes. Pour mettre les frères qui tombent, c'est la paix mieux que le vinaigre. Ouais. Les petits pètent les plombs, ils ont des chasses, ils sont tout maigres. Faut parler aux vrais uns, faut que le tunnel nous esquive. Faut pas qu'on politise, faut pas qu'on fasse de dessin. Marseille organisée, encore que l'histoire s'écrive. On rallume la résine, on leur dépeint au raisin. Hey. J'ai mis le mode sport et j'ai fait des tours. J'suis trop en fumette, c'est pas moi, j'pilote. J'vois le poteau que Yvonne écoute. Mais il a pas parlé quand il a vu l'autre. J'ai mis le mode sport et j'ai fait des tours. J'suis trop en fumette, c'est pas moi, j'pilote. J'vois le poteau que Yvonne écoute. Mais il a pas parlé quand il a vu l'autre. À Marseille, ça c'est grip, grip, c'est mauvais. On a les deux croix, jamais les premiers. C'est pas la tête, c'est pas pour rien compromettre. Et tu le sais, pas plein de grands choses pour trôner. À Marseille, ça c'est grip, grip, c'est mauvais. On a les deux croix, jamais les premiers. C'est pas la tête, c'est pas pour rien compromettre. Et tu le sais, pas plein de grands choses pour trôner. Je ressors les copains, je rentre sur le terrain avec une clopa. C'est très haut enfoiré, la compo est locale. Minimum 13 balles et tout dans la boca. Carrette à Boco, c'est Grand Sud, c'est pas Minnesota. En croco, réponds à l'appel comme Ivan Drago. C'est Marseille que ça parlerait, y'a que des dragons. Toujours à l'arrière de la loco, dans le dernier wagon. Et tout peut finir, man, man, si tu n'es pas Marseille, bon. C'est jamais fini. Reste droit, réveille pas les Madini. Tout va vite comme chez Lamborghini. 1-3, pas des mini, c'est chargé. Marseille, c'est jamais fini. Reste droit, réveille pas les Madini. Tout va vite comme chez Lamborghini. 1-3, pas des mini, c'est chargé. J'ai les yeux grands ouverts, tes yeux verts. J'attends pas la verse pour passer au fer. Visage énervé, le fait depuis la veille. Tu connais la règle, tu dérailles, on te raye. Vaut mieux que sa mère, on pleure que la mienne. De partout c'est la merde. Pas de lol, ni de l'offre, que de l'oseille. L'été comme l'hiver, toujours bien couvert. Le cerveau atteint, toujours trop d'éther. Plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'atteint. Grandis dans le béton et l'atoll. Je dors près du métaux et du pactole. Dieu merci, je suis pas athée. Je pose toujours le front et genou à terre. Dieu merci, je suis pas athée. Je pose toujours le front et genou à terre. Jambes écartées, pupilles dilatées. N'en faut pas beaucoup pour les épater. Une donneuse de go et un gros paquet. Et en 2 secondes, l'affaire est bâclée. Jambes écartées, pupilles dilatées. N'en faut pas beaucoup pour les épater. Une donneuse de go et un gros paquet. Et en 2 secondes, l'affaire est bâclée. Inch'Allah que Dieu nous guide, poto, faut qu'on diamine.